Bonjour et bienvenue dans les chemins de la philosophie. Avant de reprendre l'antenne la semaine prochaine, nous vous proposons cette semaine de redécouvrir une série d'émissions consacrées au cinéma avec au programme Hitchcock, Visconti, Jacques Demy et Jean-Pierre Jeunet, c'est-à-dire Alien. Aujourd'hui, Le Guépard de Luchino Visconti. Le film de Luchino Visconti qui obtient la Palme d'Or en 1963 et dont la postérité, hormis la moustache de Burt Lancaster, la silhouette d'Alain Delon et les lèvres mordillées de Claudia Cardinal, a retenu une phrase, y compris ceux qui ne l'ont pas vue. Il faut que tout change pour que rien ne change. Bonjour Laurence Schifano. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Vous êtes spécialiste du cinéma de Visconti, auquel vous avez consacré une biographie, professeur émérite en études cinématographiques à Paris-Ouest Nanterre, mais aussi l'auteur d'un livre sur le cinéma italien de 1945 à nos jours, disponible chez Armand Collin. Est-ce que Visconti est votre cinéaste préféré parmi tous ces cinéastes? Oui, enfin, j'aime beaucoup tout le cinéma italien, Bellocchio, Bertolucci, non, il y en a beaucoup d'autres, mais c'est vrai que j'ai une admiration qui va croissant. Croissant, ça c'est rare. En tout cas, c'est vous qui allez nous guider dans ce film stupéfiant. On va trouver d'autres adjectifs, mais vraiment, c'est le premier qui me vient pour l'avoir revu, hein, pour cette émission, évidemment. Le Guépard, donc, qui vient conclure notre série d'émissions sur la nouveauté. La parole est à Luchino Visconti. Écoutez-le, c'était en 1963, l'année de la sortie du film, sur l'ORTF. Le Guépard a comme fond un des épisodes de la guerre de Risorgimento italienne, qui est la libération de la Sicile, du règne des Bourbons. Mais ce qui m'intéresse le plus encore que le fait historique, disons, c'est le fait social du roman. Car c'est encore la contradiction d'un monde qui est en train d'évoluer et de se changer, d'une société qui est en train de changer. L'histoire est une histoire racontée en première personne par un prince, un aristocrate sicilien, en 1860, le moment de l'invasion des Garibaldiens en Sicile, mais surtout il raconte ce qui est la transformation de la société et de son monde d'aristocrate dans un nouveau monde qui est le nouveau monde qui devient le règne italien. Il raconte personnellement l'évolution de sa famille, de son monde, de cette société, mais il oublie un peu tout ce qui était autour de ce phénomène de transformation d'une société, ce qui était vraiment le peuple sicilien, la Sicile. Alors c'est ce côté, non pas surtout, mais aussi ce côté que je vais développer dans mon film. Buongiorno, Zione. Tancredi. Che cosa hai combinato stanotte, eh? Stanotte? Niente di niente, Zione. Sono stato con degli amici. Una notte santa. Pourquoi tu es bien ainsi? Qu'est-ce qui t'arrive? Un bal costumé de bon matin? Je m'en vais, mon oncle. Je pars dans une heure. Je suis venu te dire adieu. Adieu? Pourquoi? Pas un duel? Si. Le plus grand des duels. Un duel avec le roi de Naples, avec François le Petit. Je pars dans la montagne, Ficuzza. De grandes choses se préparent et je n'ai pas envie de rester les bras croisés à la maison. Ou du reste, on m'attraperait tout de suite. Tu es fou de te mettre avec ces gens-là. Ce sont des bandits. Tous de la Calabre. Un falconnerie doit être avec nous, pour le roi. Crois-moi, mon petit oncle, si nous ne nous mêlons pas de cette affaire, ils vont nous fabriquer la République en deux temps, trois mouvements. Si nous voulons que tout reste pareil, il faut que nous changions tout. À bientôt. Alors, il faut imaginer le visage d'Alain Delon, donc ce Tancrède, qui apparaît dans un petit miroir dont se sert son oncle, le prince, interprété par Burt Lancaster, en train de se raser comme l'image de la jeunesse qui apparaît face à un âge plus vieillissant, en train de prendre soin de lui-même. Et la discussion qu'il vient d'avoir, qui ouvre quasiment le film, vient illustrer les propos de Visconti. Avec cette traduction, alors on va partir de là, hein, Laurence Schifano, si nous voulons que tout reste pareil, il faut que nous changions tout. Sachant la question est de savoir, mais surtout, est-ce que c'est la société, la politique? Et Visconti semble dire que pour lui, c'est d'abord le fait social qui l'intéresse que le fait politique. Les traductions étaient très, très nombreuses. C'est ce qui, d'ailleurs, a fait que peut-être ça s'est vulgarisé. Enfin, c'est devenu carrément une formule banale. Alors avec des variations selon les pays, selon les langues, selon les personnes, selon les humeurs. Dans le film, qui reprend directement la phrase de Lampedusa, puisque le film est quand même une adaptation d'un best-seller absolu de Thomas Eddy Lampedusa, qui était lui-même un prince, assez proche par la sensibilité, on l'a dit assez souvent, peut-être un peu trop, de Visconti lui-même. Et dans le livre lui-même, si nous voulons que tout reste comme c'est, comme est, tout doit changer. Quelle est la phrase en italien? Se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna cambiare tutto. Donc, l'importance du rester, du demeurer. Alors, il y a évidemment des tas de traductions qui ont été faites, mais parfois en mettant en avant plutôt le côté dynamique de la chose. Or, Lampedusa, lui, quand il emploie le terme de « rester »,« demeurer », il insiste sur une espèce de pétrification. La Sicile de Lampedusa est une Sicile qui dort, c'est une Sicile qui est orgueilleuse, qui est complètement enfermée, immobilisée dans une espèce d'auto-contemplation, et rien sous le soleil ne peut changer, parce que cette beauté-là qui se répand par le soleil, et par ce soleil qui est pire que de la neige, il neige du feu, c'est une expression aussi qu'on trouve dans le livre, c'est une malédiction, et en même temps, c'est une espèce d'hypnose qui fait que en Sicile, rien ne peut changer. Quand le livre d'abord est sorti, en 1953, très difficilement, puisqu'il a d'abord été refusé par Vittorini et par bon nombre de Siciliens, d'intellectuels siciliens de l'importance de Vittorini ou de l'importance de Leonardo Sciascia, ça a été d'abord une espèce de levée de bouclier des Siciliens qui se sont vus un petit peu trahis par Lampedusa. Ils ne se sont absolument pas reconnus dans une vision totalement immobiliste, alors qu'ils étaient eux-mêmes des hommes de gauche. Il faut dire qu'ils sont vraiment dépeints, comme des hommes qui sommeillent en permanence. C'est une des fameuses phrases que prononcera le prince plus tard dans le film. Mais ce sont vraiment, ils décrivent, le texte et le film décrivent une inertie, mais quasiment constitutive des Siciliens, ou de la Sicile même, plutôt du paysage aride, du soleil de plomb qui empêche toute forme d'évolution. Alors, c'est un discours, c'est quand même le discours. Et quand on a entendu Visconti au début de votre émission, il insiste, il dit en première personne, voilà le discours du prince. Et son discours à lui va essayer de ne pas être totalement calé sur la même position. Mais il est vrai que ce discours revient. Il revient même à un moment donné dans une séquence que sur la suggestion de l'écrivain Leonardo Sciascia, Visconti a supprimé. À un moment donné, quand ils sont sur la route de Donna Fugata, parce qu'ils partent comme d'habitude, même si les Garibaldiens sont dans les rues, si on a trouvé un cadavre dans le jardin du palais des Salinas, il ne remet pas ses habitudes en cause. Il continue de descendre à Palerme pour aller voir sa maîtresse. Il continue d'embarquer toute la maisonnée pour faire sa villégiature habituelle à une centaine de kilomètres de Palerme, au centre même brûlé, épouvantable. C'est là où commence le film. C'est vraiment la villa secondaire de cette famille du prince Salina. Et cette villa, donc, elle est complètement entourée par un monde qui est un monde resté comme inerte, au milieu de terres qui sont des terres dorées et complètement brûlées par le soleil. Et que Visconti rend à l'image de manière incroyable. Oui, une lumière orangée, naturelle, j'imagine, mais comme si tout avait été tourné au soleil couchant. Totalement naturel. L'opérateur avait précédemment calculé quelle serait l'inclinaison exacte du soleil pour avoir la lumière qu'il lui fallait pour obtenir le jaune doré des blés, et pour avoir une espèce de plénitude de la couleur qui fait aussi une des beautés du film. Le film a été tourné entre juin et fin août, début septembre, par des températures qui étaient d'une température qui oscillait entre 35 et 40 degrés tous les jours. Et donc il fallait tourner, notamment le bal, il fallait le tourner la nuit, parce que sinon c'était absolument impossible. Déjà, il y avait beaucoup d'évanouissements, mais là, je pense qu'il y aurait eu carrément des catalepsies totales. Alors, un mot quand même sur le contexte historique. Vous avez prononcé le nom de Garibaldi. Quel est le contexte politique dépeint par ce film et ce texte? Au début du roman et au début du film, on est donc dans cette villa patricienne, magnifique, et on entend crier « c'est la révolution ». Enfin, il y a de l'agitation. A retrouvé un soldat mort. On a retrouvé un soldat mort dans le jardin. Donc le prince va le voir et il revient donc pour la prière du rosaire. Et il n'interrompt pas donc ce rituel. Et il continue d'affirmer que rien ne change, que rien ne sera changé. Il a reçu effectivement des nouvelles qui sont des nouvelles assez alarmantes de ses amis, mais lui-même est assez au-dessus de toutes ses peurs et au contraire, il continue d'affirmer que rien ne peut changer, que rien surtout ne doit changer. Voilà, mais alors que s'accomplit, il faut quand même le préciser, une vraie révolution. En dehors, c'est-à-dire que le geste de Garibaldi, la volonté d'unifier l'Italie, ce qu'on appelle le Risorgimento, vient justement de cette volonté de faire changer, pour le coup, un état de fait politique en Italie et qui va être aux dépens d'une certaine classe, une certaine génération, mais aussi classe sociale, dont fait partie le prince Salina, qui ne voit pas du tout l'intérêt de céder à cette révolution. Or, le jeune Tancrède qu'on a vu au début du film, qu'on a entendu, interprété par Alain Delon, lui annonce son départ. Il veut aller se battre aux côtés de Garibaldi. On a là l'opposition entre deux générations. Alors, c'est une opposition entre les générations, mais bien que Lampedusa ait eu une admiration totale, comme la plupart d'ailleurs des Italiens, pour la culture française et en particulier pour la culture liée au monde des Lumières et donc à ce foyer de réflexion qui va conduire à la Révolution française, il est délicat, dangereux et sans doute faux, inexact, d'essayer de superposer la Révolution française et le processus qui a été celui du Risorgimento. Et ce que nous avons ici, aussi bien chez Lampedusa que chez Visconti, c'est une relecture du mythe garibaldien, du mythe de la Révolution. Garibaldi est-il véritablement révolutionnaire? Bon, c'est quelqu'un qui vient d'Amérique latine, c'est quelqu'un qui est un franc-maçon, quelqu'un qui est quand même largement stipendié par les Anglais et qui va donc profiter d'une conjoncture favorable et de l'aide et de l'instigation de la dynastie des Savoies pour débarquer avec ceux qu'on appelle les 1000, mais qui ne sont pas du tout 1000, ils sont beaucoup moins et qui ont été débarqués. Oui, la légende dit qu'il aurait combattu avec à peine 1000 soldats mais bien à ses sûr, côtés. Tout à fait. Donc des têtes brûlées, des gens qu'il a recrutés parfois en les payant, donc des mercenaires. Et il débarque donc à Marsala au mois de mai. Et 1860. On va parler... Oui. On est en 1860. En 1860. Là. Et on va donc parler de révolution. Mais la révolution, c'est sans doute un terme qui a été apposé ensuite pour justifier une prise de pouvoir qui est la prise du pouvoir d'une autre dynastie qui va succéder à la dynastie des Bourbons et qui est la dynastie des Savoies. D'ailleurs, la première fois que le mot révolution est employé dans le film, c'est de manière ironique. Écoutez. Papa! Papa! Don Calogero sta salendo le scale! È in frac! In frac! Papa! Don Calogero est en train de monter l'escalier! Il est en frac! En frac! Mon cher oncle, cette nouvelle t'a fait plus d'effet que le débarquement à Marsala. Don Calogero en cravate blanche, l'image de la révolution en marche. Il est en frac, c'est vrai. Mais regardez quel frac. Et les chaussures. Bonsoir, Don Calogero. Oh, bonsoir, prince. Ma femme n'est pas très bien et elle a pris un peu froid. Oh, je suis désolé. Oh, merci, prince. J'espère que leurs excellences m'excuseront si ma fille Angelica vient à sa place. Mais bien sûr, venez. Depuis un mois, elle n'arrête pas de parler du plaisir que ça lui ferait de vous être présenté. Maintenant qu'elle est grande. Je me souviens d'elle quand elle était petite. Une charmante enfant. Ils seront tous très heureux de la revoir. Ah, je ne vous avais pas prévenu. Alors il faut imaginer, Laurence Chifano, la caméra qui se déplace dans un palais somptueux, gigantesque, doré tant par la lumière que par le blé dehors, que par les murs qui eux-mêmes semblent renvoyer une lumière quasi céleste. Et donc cet éclat de rire quand le fameux Don Calogero arrive à la maison et qu'il est en frac, c'est-à-dire en cravate blanche. Et là, le prince Salina lui-même rigole en disant « c'est bien le signe de la révolution en marche, cette cravate blanche ». Jusqu'à là, on a gardé l'extrait un tout petit peu plus longtemps pour entendre l'arrivée annoncée de Angelica, qui là, pour le coup, va susciter une autre révolution au sein de la famille, parce que Angelica va créer une histoire d'amour qui n'était pas prévue à l'origine. Le frac du père d'Angelica, qui est le maire de la petite ville de Donna Fugata, ce frac a inspiré à Moravia une réflexion qui est une réflexion un petit peu mitigée. Il considère, il a écrit, qu'il s'agissait d'une espèce de marque de mépris de classe de la part des aristocrates quand ils voient un bourgeois qui ne connaît pas véritablement les usages et qui arrive ridicule, bien entendu, dans un frac qu'il a peut-être fait confectionner pour cette occasion. Réflexion donc qui fait aussi déjà penser un petit peu à l'importance des rites mondains, à la maîtrise qu'ont les aristocrates de la mondanité, des codes. C'est une caste donc qui apparaît ici, et on est déjà un petit peu chez Proust. On est un petit peu déjà dans un ensemble de signes qui ont pour les aristocrates une signification, mais qui n'en ont pas du tout pour les bourgeois. Mais c'est vrai que c'est la révolution en marche. Et en même temps, il y a quelque chose qui est ironique, et vous le voyez, la notion même de révolution est contestée par Visconti lui-même. Je vois par exemple dans une des déclarations qu'il a faites, parce qu'il a beaucoup soutenu avant que le film ne sorte, il a donné des conférences de presse, il a été très très didactique pour qu'on comprenne bien ses intentions, puisqu'il a été quand même très attaqué, lui aussi, comme Lampedusa, elle avait été. Et voilà ce qu'il dit donc quand il discute avec l'un de ses amis communistes, Antonello Trombadori, qui sera publié dans une très belle édition du film en italien. Mais je le cite en français. « Pour que tout demeure inchangé, voyez, encore une traduction nouvelle, il est nécessaire que tout change. Ne m'a pas seulement intéressé comme critique impitoyable du progrès, comme refus absolu de toute transformation qui, telle une chape de plomb, pèse sur notre pays, pas simplement sur la Sicile, sur notre pays, et qui y ont empêché jusqu'à aujourd'hui tout changement véritable, mais aussi, d'un point de vue plus universel, et hélas très actuel, comme tendance à plier aux règles de l'ordre ancien, la poussée du monde vers un ordre nouveau, et donc à soumettre celui-ci, en quelque sorte, à l'ordre ancien. C'est un printemps, on a beaucoup parlé des printemps, printemps arabes, etc. Mais c'est un printemps sicilien qui donne peut-être la marque aussi, c'est peut-être aussi pour ça qu'aujourd'hui nous le ressentons, comme une espèce de rêve, de cauchemar, de tentation, de doute, de scepticisme. Nous ne savons pas trop finalement ce que valent toutes ces révolutions ou tous ces rêves de révolution. Et ce printemps sicilien semble condamné pour des raisons qui justement sont romancées, je ne dis pas exposées d'une façon discursive et lourde, didactique, pesante, mais sont romancées dans le film, tout du long du film, et avec une maîtrise qui est une maîtrise absolument remarquable, et qui est une maîtrise qui suggère non pas une sympathie avec les forces de la conservation, mais au contraire une nécessité d'analyse critique très rigoureuse, historique, qu'on trouve donc un peu différemment chez Visconti, parce qu'il y a des points qui sont effectivement chez lui, qui ne sont pas chez Lampedusa, mais qui étaient déjà présentes chez Lampedusa. Et il faut peut-être rappeler que quand aussi bien le livre que le film sont sortis, la critique qui fait la pluie et le beau temps en Italie, c'est une critique de gauche. C'est une critique communiste. Et que le Parti communiste est encore représenté, non pas par Antonel Trombadori dont j'ai parlé, mais par d'autres exposants des intellectuels italiens, par des personnes qui croient encore aux héros positifs. Ils croient encore, ils sont encore dans une vision jdanoviste de la culture. Là où le film est remarquablement réussi, le film de Visconti, donc Le Guépard, c'est qu'il il met tout cela en scène, cet enjeu en scène, sans jamais donner l'impression au spectateur que bah il a choisi son camp et qu'en fait l'un va forcément gagner. D'ailleurs, et le personnage du neveu qui commence au début du film, qui va s'engager auprès de Garibaldi, et le personnage du prince qui reprend à son compte la formulation de son neveu, à un moment dans le film, en disant « bah oui, il faut que tout change pour que rien ne change », l'un et l'autre, quand ils prononcent cette phrase, on voit très bien qu'ils n'y adhèrent pas complètement. J'en veux pour preuve que lorsque le neveu prononce cette phrase, un quart d'heure, 20 minutes plus tard dans le film, il a changé de camp. Et puis 20 minutes plus tard, il aura encore changé de camp. Ce que je veux dire, c'est que « il faut que tout change pour que rien ne change » est une phrase dans ce film d'opportuniste. Oui, et pas du tout de révolutionnaire. Exactement. Et c'est le bal masqué. Et pourquoi tu t'en vas pour un bal costumé ? Oui, le bal masqué commence et tout au long du film, il va changer. Et Visconti aura évidemment un grand plaisir. Le personnage de Tancrède, vous voulez dire. Oui, le personnage de Tancrède. Et il aura un grand plaisir à le faire apparaître donc d'abord en héros quasiment stendhalien. Et c'est merveilleux quand il se lance dans la calèche et qu'il part vers les collines pour rejoindre Garibaldi, dans le maquis. Hein. C'est avec la musique de Nino Rota. Oui, c'est magnifique. Ouais. Mais derrière ce départ, il y a aussi pour Visconti le souvenir des partisans, hein, le souvenir de la résistance et donc de tous les rêves qui ont été les rêves de l'immédiate après-guerre, la chute du fascisme, etc. Et peu à peu, à mesure qu'on voit par intermittence revenir Tancrède sur le devant de la scène, on le voit arriver en tenue écrevisse garibaldien, donc il est en tenue rouge vif. Il a sa chemise que Visconti, pour obtenir la couleur qu'il lui fallait, hein, faisait tremper pendant des heures dans la boue et pour que ça ait l'air vécu, hein, pour que on ait vraiment l'impression qu'il avait trempé cette chemise qu'il avait portée tout au long des jours. Et après ce costume écrevisse, on va le voir apparaître en bleu avec des boutons d'argent. Et à ce moment-là, il a regagné l'institution, c'est-à-dire qu'il est devenu lieutenant dans l'armée royale des Piémontais. Et ensuite, il sera en frac, donc bon pour autre chose. Et sans doute, et c'est le sentiment et l'obsession que Visconti a ressenti face à ce personnage tout au long de son travail avec Tancrède, est-ce que quelques années plus tard, pas si longtemps que ça plus tard, avec un peu de recul, on ne pourrait pas se demander s'il n'aurait pas lui aussi été fasciste. Donc il y a cette dimension, hein, on voit l'histoire aussi à partir du présent, et pour les Italiens, tout ça est quand même assez palpable. Et on voit surtout l'histoire à travers les yeux du prince, qui est le narrateur dans le roman de Lampedusa, qui est sans doute le personnage principal dans le film, c'est plus difficile à dire. En tout cas, alors que Tancrède évolue et retourne sa veste tout au long du film, le prince, lui, est plus constant dans sa, à la fois dans sa distance, dans son côté un peu désabusé aussi, très mélancolique. Plus le film avance, plus on voit l'obsession de ce personnage pour la mort. Et le film est composé de plusieurs séquences assez clairement délimitées qui apparaissent. Ce sont vraiment des séquences, c'est-à-dire pas des plans séquences, même s'il y en a beaucoup, mais qui ont une unité temporelle et qui passent comme ça d'une séquence à l'autre de manière très très subreptice, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on suit vraiment la vie des personnages. Et l'une de ces séquences clés est une discussion entre le prince et le sénateur Chevalet qui propose au prince de devenir sénateur à son tour, et celui-ci refuse. Et écoutez les raisons qu'il invoque pour justifier son refus et écouter le portrait bouleversant qu'il propose des Siciliens, ou plutôt de la Sicile. Dopo la felice annessione, volevo dire, dopo la fausta unione della Sicilia al regno di Sardegna, le gouvernement de Milan a l'intention de nommer quelques illustres Siciliens sénateurs du royaume. Votre nom, évidemment, a été prononcé parmi les premiers. un nom illustre par son ancienneté, par le prestige personnel de celui qu'il porte. Je suis reconnaissant au gouvernement d'avoir pensé à moi pour le Sénat. Mais ainsi, je ne puis accepter. Oh, mais voyons, prince... Soyez un peu patient. Je suis un membre de la vieille classe dirigeante, fatalement compromis avec l'ancien régime, et attaché à lui par les liens de la décence, sinon de l'affection. J'appartiens à une génération malheureuse, à cheval entre deux mondes, et mal à l'aise dans l'un et dans l'autre. Et de plus, je suis absolument sans illusion. Qu'est-ce que le Sénat pourrait faire de moi? Je sommeille, cher chevalier. Un long sommeil, c'est ce que veulent les Siciliens. Et ils n'auront que de la haine pour ceux qui essaieront de les réveiller. Même pour leur apporter les plus merveilleux cadeaux. Et soit dit entre nous, je doute fortement que le nouveau royaume ait beaucoup de cadeaux pour nous dans ses bagages. Chez nous, toute manifestation, même la plus violente, est un désir d'anéantissement. Notre sensualité, c'est le besoin d'oublier. Nos coups de fusil, nos coups de couteau, un appel dans la mort. Notre paresse, la douceur de nos sorbets aux herbes magiques, une soif de voluptueuse immobilité, c'est-à-dire encore la mort. Puis-je me permettre de vous donner un conseil à transmettre à vos supérieurs? Avec plaisir, prince. Il y a un nom que je voudrais suggérer pour ce Sénat. Celui de Calogero Cedara. Il a beaucoup plus de qualité que moi pour y figurer. Oui, j'ai entendu parler de ce Cedara. Mais si les hommes honnêtes de votre qualité se récusent, la place sera libre pour les gens sans scrupules et sans largeur de vue. Pour les Cedara, justement. Et tout sera de nouveau comme avant. Et encore pour des siècles. Écoutez votre conscience, prince. Et non ces vérités orgueilleuses que vous venez de me dire. Cette discussion est bouleversante, hein, vraiment, Laurence Schifano, parce qu'on se rend compte que le sénateur, qu'on pourrait tenir justement pour assez conservateur, en réalité ne souhaite qu'une chose, c'est que les choses ne soient plus comme avant. C'est vraiment pas le « c'était mieux avant », c'est au contraire, faisons tout pour que ce ne soit plus comme avant. Or, si vous refusez, vous, cher prince, d'être sénateur, nous allons donner ce poste à quelqu'un qui est moins honnête que vous, et alors tout redeviendra comme avant. Oui, le problème, c'est que les bonnes intentions et les beaux discours, car Chevalet est un homme honnête... C'est le sénateur, oui, sénateur Chevalet. Oui, sont en fait totalement dévoyés, récupérés pour que un gouvernement s'empare en fait du pouvoir et impose une nouvelle colonie à l'Italie du Sud. Donc, après la colonisation par les Bourbons, la colonisation par les Savoies, rien ne change. Et il s'agit véritablement d'une annexion. Et le terme va être d'ailleurs employé. Et le plébiscite qui aura lieu quelques mois plus tard donnera, parce qu'il sera truqué, et donnera une majorité de oui, alors que sans doute la plupart des habitants de Donna Fugata ont voté, exactement comme Don Ciccio Tumeo, ont voté non. Vous faites allusion à une scène du film où le prince discute avec Don Ciccio, justement, en disant « Mais qu'as-tu voté ?» Il dit « Bah, à votre avis, on a entendu les résultats du vote juste avant, il y avait 100% de oui, je crois. » Il lui dit « Mais non, j'ai voté non, et voilà pourquoi je refuse de voter pour ce nouveau gouvernement. » Et dans la version française, malheureusement, beaucoup des séquences, enfin quelques séquences, même si elles sont assez brèves, où l'on voit le maire Cedara... faire un petit peu l'article pour qu'on vote pour les Savoies. Ces séquences ont été en fait supprimées parce qu'il y a deux versions du film, la version française et la version italienne qui est la version longue où le film fait 2h50. Oui. Alors, je tiens à le dire parce que quand on s'apprête à voir un film de 2h50, on se dit que ça va quand même être très long. Ce n'est pas le cas. C'est qu'on ne voit pas du tout le temps passer, tellement chaque plan est une espèce de tableau dans lequel on déambule grâce à la caméra, tellement l'histoire est palpitante, ne serait-ce que l'histoire politique, mais aussi, on n'en a pas encore vraiment parlé, l'histoire d'amour. Bien sûr. Tout à fait. Mais le personnage, et ça, je pense que avant de parler de la sensualité, de tout ce qui touche à la sensualité, qui est merveilleux aussi bien chez Lampedusa que plus baroque hein, chez Lampedusa que chez Visconti, mais chez Visconti c'est magnifique aussi. Le personnage de Cédar, c'est, il faut employer le terme, c'est un mafieux. Ce qu'on introduit ici auprès des Savoies. Presque tous les gouvernements qui vont se succéder en Italie jusqu'à très peu de temps en arrière et sans doute pas très très longtemps en arrière, c'est une collusion du pouvoir religieux, du pouvoir politique et du pouvoir mafieux. Et c'est ici aussi que, peut-être encore plus qu'à l'époque des Bourbons, va se faire cette collusion-ci. Et donc, cet aspect a été souligné par Visconti, il l'a été beaucoup moins par Lampedusa. Mais c'est véritablement ça. Hein. Il a fait sa fortune, en gros, beaucoup de gérants de propriétés pouvaient le faire au XIXe siècle, quand les princes partaient à Paris ou à Londres pour mener une bonne vie. Et pendant ce temps, ils géraient en fait les propriétés et ils en profitaient d'une façon ou d'une autre. Et il a accumulé les propriétés. Là, vous parlez de Don Calogero. C'est Don Calogero qui est très riche. Qui est surtout le père de cette magnifique Angelica qui va épouser Tancred, le neveu du prince. Et dans l'extrait qu'on a entendu où le prince discute avec le sénateur Chevalet, il lui propose le nom de Don Calogero. Ça l'arrange bien parce qu'en plus, si celui-ci devient sénateur, alors son neveu veut bénéficier des nouvelles fortunes de cet homme qui est déjà très riche. Mais là où quand vous dites que finalement c'est un mafieux, c'est très important parce que ça veut dire que le prince lui-même est prêt à suggérer le nom d'un mafieux en tant que sénateur. Oui, c'est un contrat de mariage, c'est l'histoire d'un contrat de mariage. Donc il y a un élément qui... Le guépard, c'est l'histoire d'un contrat de mariage, vous diriez. Ouais. Beaucoup plus que stendhalien, c'est un film balzacien. Ou marxiste, si vous voulez, mais il y a quand même, du côté de Visconti, une connaissance des éléments, des déterminations économiques qui est fondamentale. Alors à tous ceux qui se demandent pourquoi le film s'appelle Le guépard, voici la réponse. On est au lendemain de la discussion nocturne entre le sénateur et le prince. Le sénateur remonte dans sa voiture, il s'apprête à partir. L'image est très très sombre et gros plan sur le prince qui prononce ces paroles. Noi fumo i gattopardi, i leoni. Chi ci sostituirà saranno gli sciacalli, le iene e tutti quanti. Gattopardi, leoni, sciacalli e pecore. Nous étions les guépards. Les lions. Ceux qui nous remplaceront seront les chacals, les hyènes. Et tous tant que nous sommes, guépards, lions, chacals ou brebis, nous continuerons à nous prendre pour le sel de la terre. Je crains de ne vous avoir pas bien compris. Que disiez-vous ? Rien, rien. Comment ? Comment ? Je ne vous entends pas. Il faisait à peine jour. Le peu de lumière qui parvenait à percer le matelas de nuages était de nouveau retenu par la saleté immémoriale des portières. Chevalet était seul. Entre les chocs et les secousses, il mouilla de salive le bout de son index, nettoya une vitre, juste la largeur d'un œil. Il regarda. Devant lui, sous la lumière de cendre, le paysage cahotait, sans rachat. Vous écoutez France Culture, Les Chemins de la Philosophie. Nous parlons du Guépard, le film de Visconti aujourd'hui, dans le cadre, pour le dernier temps de notre série d'émissions consacrée au changement, à la nouveauté. Nous avons parlé d'Héraclite, de Baudelaire, de l'Ecclésiaste. C'est donc aujourd'hui du Guépard, qui est d'abord un roman, le roman de Lampedusa. Et dans l'extrait qu'on vient d'entendre, Laurence Chifano, qui nous accompagne aujourd'hui, eh bien, on voit que le Guépard, ce sont en fait les guépards et les lions qui s'opposent aux hyènes et aux chacals. Qui sont en fait quoi, la nouvelle génération, en tout cas l'autre côté, pas le côté ou le camp du prince, en tout cas, ça c'est sûr. Oui, une génération enfin, se renouvelle. Il y a quand même un changement, mais c'est un changement qui n'est pas très rassurant. Dans le dernier extrait que vous avez lu, la traduction se termine sur le « sans rachat ». Alors, c'est la traduction de Manganaro, hein, qu'on trouve au Seuil, hein, de Jean-Pierre Manganaro. Bon, toutes les traductions, là, j'ai celle de Fanette Pézard, « un paysage pour lequel il n'existait pas de rachat ». Donc, on est voilà, encore c'est étrange cette phrase, « un paysage sans rachat ». Ouais. Qui est une notion religieuse. Et il y a un écho, comme il y a beaucoup d'échos, hein, beaucoup de références qui sont des références internes à la culture italienne, qui me semblent être faites à Carlo Levi et à « Le Christ s'est arrêté à Eboli », lorsque Carlo Levi, en 44, alors qu'il était relégué par les fascistes du côté de Macerata, parle d'une terre où le Christ n'est pas arrivé. Il n'est pas arrivé à Eboli, qui est une terre sans péché et sans rédemption. Il n'y a pas même de rédemption. Donc on est dans une terre qui est une terre totalement abandonnée et ce sans rachat fait, me semble-t-il, écho à cette malédiction qui est la malédiction des terres du Sud, encore aujourd'hui. Hein. On peut penser à l'Afrique, on peut penser à des tas de zones qui sont des terres sans rachat, des terres de souffrance. Et cette dimension, elle est là, elle est présente hein, dans chez Lampedusa, me semble-t-il. Donc il y a la dimension tragique très forte chez Lampedusa, le sentiment de la mort, le sentiment de ce qui a été gâché, de ce qui a été ce qui n'est plus sauvable, est terriblement forte parce qu'elle n'est pas simplement individuelle, elle est collective. Oui, c'est ce que dit à un moment le prince. Il dit mais le problème, ce ne sont même pas tant les Siciliens, c'est la Sicile. C'est-à-dire que c'est vraiment l'identité d'un pays, la Sicile par le climat. D'ailleurs, on lui rétorque, mais le climat peut changer. C'est pas le climat qui est responsable de ce que sont les individus. L'ici, justement, et dans l'extrait qu'on avait entendu, je me permets de le redire justement dans le texte de Lampedusa, parce que c'est vraiment magnifique. Il dit « Le sommeil, cher cheval, et le sommeil est ce que veulent les Siciliens. Et ils haïront toujours celui qui voudra les réveiller, fût-ce pour leur apporter les plus beaux cadeaux. » Et entre nous, je doute fortement que le nouveau royaume ait beaucoup de cadeaux pour nous dans ses bagages. Toutes les manifestations siciliennes sont des manifestations oniriques, même les plus violentes. Notre sensualité et désir d'oubli, nos coups de fusil ou de couteau, désir de mort, désir d'immobilité voluptueuse, c'est-à-dire encore de mort. Et notre paresse, ce sont nos sorbets à la cannelle. On est là dans un mélange de mélancolie absolue, tragique, et de sensualité, parce qu'on a quand même cette évocation de la volupté, des sorbets à la cannelle. Tout le film se trouve dans ces quelques lignes. Et de violence, ça aussi. Et de violence, vous avez raison. C'est un pays qui est hyper violent. Hein. Ouais. Alors, il faut qu'on avance dans le film et qu'on se rende à un bal, quand même, Laurence Chifano, puisque la dernière heure du film est une scène de bal qui dure 45, enfin voilà, dernière heure, c'est quasiment 50 minutes, je crois. 47. Oui. 47 minutes, voilà. Et avec la musique de Nino Rota qui accompagne chaque seconde, et qui arrive à se répéter là aussi, hein, à se répéter, enfin, à évoluer sans donner l'air d'être trop répétitive. Le bal commence à peu près avec cette scène que je vous propose d'entendre où on voit le prince qui contemple une scène où, alors là aussi dans un palais encore plus somptueux, le palais d'une princesse qui reçoit donc le bal, au détour de quelques pièces, il se retrouve nez à nez avec une dizaine de jeunes filles, enturbanées avec des robes géantes, gloussantes de rire et se chamaillant, en train de sauter sur des lits. Et là, il les regarde perplexes et voici les réflexions qu'il se fait. Noi, Fabrizio. Sai che pensavo, Alberto? La frequenza di questi matrimoni giacugini non favorisce la bellezza della razza. Eccole là. Sembrano scimmiette pronte ad arrampicarsi in cima ai lampi. Sì, a quoi j'étais en train de penser? La fréquence des mariages entre cousins ne favorise pas la beauté de la race. Regardez. On dirait une bande de jeunes guenons prêtes à sauter dans les lustres. Pour s'y pendre par la queue, s'y balancer en montant leur derrière. Giardinelli. Un signe blanc sur un étang plein de grenouilles. Et propos, mes félicitations pour les fiançailles de ton neveu. La fiancée est une beauté, cet exemple sera vite suivi. Quoi ? Qu'est-ce que tu disais ? Je disais que il fait trop chaud ici. C'est vrai, il fait chaud. Je suis fatigué ce soir. J'ai eu tort de venir. Et puisque j'y suis, je dois rester. Partir maintenant serait incorrect. Oui, c'est vrai, tu as raison. Tout à l'heure. Le bal est une célébration des fiançailles entre son neveu et la magnifique Angelica, la fille de ce Don Calogero qui est sublime. C'est Alain Delon et Claudia Cardinale, pour qu'on puisse imaginer si on ne les a jamais vus à l'écran. Tout le monde est là pour célébrer cet amour, tout le monde danse ensemble. Et la phrase que prononce le prince, après avoir comparé les jeunes filles qu'il voit à des guenons, c'est « Je suis fatigué ce soir ». Et à partir de là, on voit sur son visage comment la marque du temps, la conscience de l'imminence de la mort va le transformer. Et vous avez dit que c'était une séquence qui était une séquence à la fois faite de répétitions. Il y a dans le cinéma, je crois qu'on pourrait écrire ou faire tout un montage sur les bals au cinéma. Hein, et celui-ci a effectivement quelque chose qui était à la fois quelque chose d'extraordinairement développé et de toujours renouvelé. Ça tient aussi au fait que vous avez plusieurs danses à l'intérieur même du bal. Vous avez une mazurka, vous avez des galops, vous avez une valse au centre. Il y a une valse qui a été dansée sur une valse inédite de Verdi que Nino Rota avait retrouvée et qu'il a apportée à Visconti. C'est la danse entre le prince et Angelica, qui est d'un érotisme incroyable, cet amour interdit. Elle est exactement au centre même. Hein, ça fait 47 minutes. Et au centre, vous calculez exactement au milieu. Hein, c'est le pivot de cet ensemble qui tourne, hein, qui traduit une espèce de cercle. Hein, c'est une espèce de séquence, de macro-séquence à soi seul. Et dans ce tourbillon, vous avez des éléments qui sont des éléments avec des rythmes qui sont des rythmes et des personnages et des individualités qui sont plus ou moins multiples ou plus ou moins isolées. Et au centre, cette apothéose hein, qui est l'apothéose du à la fois politique, historique, sentimentale, érotique, puisque le vrai couple, ou en tout cas un mais des couples, c'est ça qu'on réalise. C'est aussi l'oncle. C'est que c'est pas avec cas, le neveu. En fait, c'est pas Angelica et Tancrède, c'est Angelica et le prince. Oui, ça, qui est amoureux d'elle. Hein, qui est et là tous les corps et leurs regards, de ces corps et de ces regards émanent une tension, un désir assez incroyable qui met mal à l'aise. On se dit mais oui, ça paraît évident. On se dit mais en fait, mais c'est pas du tout ça. C'est pas ça qui va se passer. Donc à quoi sommes-nous en train d'assister ? Oui, donc il y a cette sensualité dont on a parlé et qui est toute présente à la fois dans les nourritures, dans les fleurs, dans ces fleurs dont on dit que Visconti à l'époque, et c'est vrai, hein, les faisait venir pour les avoir fraîches tous les jours, donc avec des températures de 40 degrés, les cierges qu'il fallait changer puisque c'était des cierges réels, hein, pas du tout des éléments artificiels. Donc cette atmosphère-là a été reconstitué au cours d'un tournage qui a été un tournage terrible, un véritable enfer. Et les participants sont tous des aristocrates. Ils se sont battus à Palerme pour en être. Et tous ceux que vous voyez danser sont en fait des gens qui ont des noms à rallonge et qui font partie de l'aristocratie. Et les acteurs eux-mêmes sont des aristocrates. Et donc, ils voulaient être là, ce qui est une façon aussi un peu humoristique, peut-être, ou en tout cas assez ironique, de se mettre en scène. Et ce qui apparaît également, un petit peu comme chez Proust, hein, c'est l'intrusion dans un rituel, qui est un rituel réglé quand même depuis des siècles. C'est l'intrusion de choses, de gestes, de vêtements, d'attitudes, qui sont des attitudes qui détonnent. Par exemple, lorsque le père d'Angelica arrive et qu'il a éprouvé le besoin de mettre des décorations et que Tancrède lui dit non, ça... Il lui enlève immédiatement d'ailleurs de la veste. Immédiatement disparaître, faut pas faire ça. Donc, il y a à la fois cette beauté extraordinaire d'Angelica, habillée par Piero Tosi, avec cette robe blanche qui est une beauté incroyable, et déjà des éléments qui sont des éléments d'intrusion, d'une part de la bourgeoisie montante, mais d'autre part aussi de l'armée, qui est l'armée des Savoies, qui n'est plus l'armée garibaldienne, et qui va raconter des exploits qui sont en fait des épisodes lamentables de l'épopée garibaldienne, hein, comme ce que fait le colonel Pallavicino au cours de ce même bal. Voilà, donc c'est toujours entre l'ironie, la beauté fulgurante, la peinture de l'amour, parce que à la différence de ce que fait Lampedusa dans Le Guépard, dans les descriptions du bal, dans les descriptions des fiançailles entre les deux jeunes gens, il évoque par des espèces d'anticipation en fait l'échec que sera ce mariage. Visconti ne le fait jamais. Ils sont beaux, ils sont magnifiques, ils ont toute la vie devant eux. Mais ils mettent en scène de manière, là aussi, très très très touchante, la distance du prince à l'égard de tout ça. On l'a entendu dire « je suis fatigué ce soir » et il y a un moment où il se met un peu en retrait, il ouvre une porte et il va contempler un tableau. Alors je vous propose qu'on laisse la parole cette fois-ci à Lampedusa, interprété par le comédien Georges Clès, et puis qu'on entende ensuite l'irruption, parce qu'elle est vécue comme telle par le spectateur, du jeune Tancrède et Angelica qui viennent chercher l'oncle, et donc il y a un contraste énorme entre la contemplation par le prince du tableau et l'irruption de la jeunesse qui ne comprend rien à cette mort soi-disant imminente pour le prince. Écoutez. Il se mit à regarder un tableau qui se trouvait en face de lui. C'était une bonne copie de La mort du juste de Greuze. Le vieillard était dans son lit, en train d'expirer, dans du linge bouffant et très propre, entouré de petits-fils affligés et de petites filles qui levaient les bras vers le plafond. Les jeunes filles étaient jolies, provocantes. Le désordre de leurs vêtements suggérait plutôt le libertinage que la douleur. On comprenait tout de suite qu'elles étaient le véritable sujet du tableau. Il se demanda si sa propre mort ressemblerait à celle-là. Probablement que oui. Sauf que le linge serait moins impeccable. Il le savait bien, les draps des agonisants sont toujours sales. La bave, les déjections, les taches de médicaments. Et qu'il était souhaitable que Concetta, Carolina et les autres soient habillés plus décemment. Mais, dans l'ensemble, la même chose. Comme toujours, les considérations sur sa propre mort le rassérénaient autant que celles sur la mort des autres l'avaient troublé. Peut-être parce qu'en fin de compte, sa mort était en premier lieu celle du monde entier. Buonasera, Prigione. Buonasera, Angelica. Angelica ti voleva salutare. Perché te ne stai qui solo? Ma che cosa guardi? Corteggi la morte? C'est étrange, tu ne trouves pas que Don Diego garde cette image mélancolique toujours accrochée sous ses yeux? Oh, mon oncle, si Don Diego entre dans cette bibliothèque une fois par an, c'est le bout du monde. Tu as sans doute raison. Mais pourquoi penses-tu à ça? Qu'est-ce qui te prend? Je pense souvent à la mort. Tu vois, c'est une idée qui ne me fait pas peur. Vous êtes trop jeune pour que ça vous préoccupe. Pour vous, la mort n'existe pas. C'est quelque chose qui concerne les autres. Et il faut imaginer le visage du prince, je crois que c'est un peu plus tard quand même dans le film, et qu'on le voit baigné de larmes. où vraiment on sent que l'imminence de la mort pour lui est plus qu'une obsession, c'est quelque chose qu'il ressent dans son corps. Et dans le texte de Lampedusa qu'on a entendu, on avait cette phrase, hein, comme toujours, les considérations sur sa propre mort le rassérénaient autant que celles sur la mort des autres, l'avaient troublé, peut-être parce qu'en fin de compte, sa mort était en premier lieu celle du monde entier. Il est là, ce changement radical dont parle le film, hein, Laurence Chipano. Il y a à nouveau le miroir. Hein. Ça commence par un miroir. Et dans ce miroir, c'est Tancrède qui est venu s'inscrire. C'était cette jeunesse. Et là, dans cette séquence, il y a ce miroir qu'il regarde. Il pleure. Enfin, il y a une larme qui baigne son visage. Et tout de suite après, alors dans une option assez naturaliste, aussi bien chez Lampedusa que chez Visconti, il va se tourner et voir un alignement de peau de chambre. Donc il y a une espèce d'insistance sur l'élément organique tellement présent. Le corps chez Visconti est toujours très très présent. Et là, c'est aussi quelque chose qui me semble être fort et très bien décrit par Lampedusa, cette présence physique, oui, de la mort, qui ensuite va être alors peut-être rachetée, alors on parlait tout à l'heure du rachat, par la dernière image du film, le moment où Don Fabrizio va s'agenouiller, il souhaite revenir seul à travers les ruelles de Palerme parce qu'il a besoin de respirer. Le prince, donc. Hein. Et il va s'agenouiller en voyant passer un prêtre qui porte l'extrême onction à un pauvre palermitain qui meurt. Donc il y a une espèce de, quand même, de participation, qui est une participation presque religieuse, enfin totalement religieuse. Et à ce moment-là, sa prière va vers le futur rendez-vous avec les constellations, avec le ciel. La musique est sublime, vraiment, c'est celle de Nino Rota et c'est avec elle que nous allons nous quitter, Laurence Chipano, car nous sommes déjà à la fin de cette émission. On a à peine commencé à parler du film, mais c'est comme ça, un film qui fait 2h50, il faut plus que 50 minutes pour en parler. Et vous renvoyez à cette dernière phrase, hein, du prince, alors de mémoire, c'est, voilà, il s'adresse aux étoiles, il dit « Chère étoile, quand me donnerez-vous un rendez-vous moins éphémère afin que je puisse briller dans le halo de votre certitude ?» Il y a des moments de poésie comme ça dans ce film qui sont absolument fulgurants. Un grand merci à vous d'être venu nous en parler aujourd'hui. Je rappelle qu'on peut lire de vous Le cinéma italien de 1945 à nos jours, cher Armand Colin, Visconti, une vie exposée, qui est une biographie donc de Visconti, et un ouvrage consacré au guépard de Visconti qui nous a occupés aujourd'hui, disponible chez Nathan. Regardez, chers auditeurs, Le Guépard de Visconti, je vous assure, ce ne sera pas du temps perdu, même si ça vous paraît long. C'est un enchantement pour les yeux, pour les oreilles. On a essayé d'en donner à entendre quelques extraits aujourd'hui, tant sonores que musicaux, enfin les dialogues et les musiques. Et puis lisez aussi le roman de Lampedusa. Peu importe la forme, vous verrez, c'est une lecture et un visionnage dont on se souvient longtemps. Sur France Culture, Les Chemins de la Philosophie, il est l'heure, comme tous les jours, de retrouver Géraldine Mosna-Safoy pour son journal de la philo. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. C'est incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à tous. Votre journal de la philo tous les jours nous fait le point sur l'actu de la philosophie. Alors, que s'est-il passé qui a retenu votre attention aujourd'hui ? Que va-t-il se passer plutôt ? Que va-t-il se passer demain, vendredi 1er septembre ? Et oui, il y aura une nuit de la philosophie en Finlande, à Helsinki. Depuis 2010, ces nuits de la philo, organisées par Meriam Korishi, traversent le monde plusieurs fois par an. Alors après Paris, Londres, New York, Berlin ou encore Lima, c'est le tour de la capitale finlandaise. Et c'est donc l'occasion de demander à Meriam Korishi, qui imagine depuis 7 ans ces événements, à quoi ressemble une telle nuit de la philosophie. À chaque fois, ces événements sont comme, j'essaye en tout cas d'en faire comme des miroirs. Donc c'est toujours le même protocole, mais à chaque fois que, comme un miroir, on le pose quelque part, il va refléter ce que sont les particularités du lieu. Et donc à chaque fois, c'est très différent. Ce sera vraiment la communauté philosophique du lieu, péruvienne, finlandaise, française, néerlandaise, si ça se passe à Amsterdam, etc., qui sera sollicité, qui participera. Mais à chaque fois aussi, ce qui est très étonnant, c'est que l'engouement, la ferveur, l'enthousiasme aussi des philosophes, aussi et surtout, à s'embarquer dans une telle aventure pour livrer leurs paroles. Et en fait, la même partie. Des nuits de la philosophie qui suscitent donc une ferveur unanime, et ce depuis la première édition à Paris en 2010, à l'initiative de Monique Cantosperber, la directrice à l'époque de l'École normale supérieure. Une ferveur que l'on pourrait attribuer au moment même de ces événements, la nuit bien sûr, ce moment où la parole universitaire savante n'est plus du tout la même. J'ai réfléchi, je me suis dit pourquoi faire la nuit ce qu'on fait le jour. Donc j'ai essayé d'imaginer quelque chose qui était un peu diamétralement opposé à un colloque universitaire, mais avec les mêmes acteurs. Donc, en fait, c'était vraiment déplacer la parole universitaire tout en la préservant, donc en invitant des philosophes universitaires à parler la nuit devant un public indéfini, a priori, qui ne serait pas les élèves devant lesquels ces professeurs de philosophie, pour la plupart, parlent pendant le jour. Le public a vraiment le choix entre telle conférence, telle intervention artistique, ou boire un verre, rester dans le hall à parler. Et en fait, ce qui est très étonnant, c'est que dès qu'on passe dans l'espace de parole de la conférence, l'attention du public est tout à fait recueillie et, je dirais même, fervente. Et donc, il y a une soif comme ça qui s'est trouvée à chaque édition que j'ai montée. Des performances, des concerts, des colloques aussi, bien sûr, des rencontres au bar ou en séminaire. L'idée de ces nuits de la philo est vraiment de susciter une parole différente, une écoute aussi différente, qu'il s'agisse de grands textes, concepts ou idées du moment, en fonction des pays et sous des formes diverses. Mais en quoi parole et écoute sont-elles différentes durant ces nuits ? De quoi, plus généralement, la parole et l'écoute et la pensée, bien sûr, se libèrent-elles la nuit ? Il y a quelque chose de l'ordre du désir là-dedans, donc c'est de l'insatiété, et donc c'est tout à fait positif, il y a un désir de toujours plus, et les gens ont soif de parole, de pensée, et puis de suspension, je pense, de suspension du temps affairé, parce que cet événement qui se produit la nuit, donc c'est pas du tout accidentel, s'il s'est produit la nuit et non pas le jour, c'est que la nuit va offrir une vraie parenthèse, un vrai moment de suspension où le temps peut rentrer en régime qualitatif et non plus quantitatif. On ne compte plus le temps et on peut se laisser du coup dériver. Donc il y a toujours, quand on est un amoureux de la nuit ou pas, ou quand on passe dans des heures tardives, très nocturnes, il y a un moment où ça glisse et on ne compte plus le temps. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait précieux. Si donc vous avez l'occasion d'aller à Helsinki pour le week-end, le rendez-vous est pris demain soir, toute la nuit. Nous mettrons le programme en ligne sur la page du journal de la philo. Puis j'en profite aussi pour annoncer qu'une prochaine nuit de la philo aura lieu à Rio de Janeiro le 31 mars prochain et à l'École nationale des beaux-arts en mai, à l'occasion de l'anniversaire de mai 68. Nous aurons donc l'occasion d'en reparler. Et pourquoi pas de dépasser nos micros, parce que philosopher toute une nuit, ça donne plutôt envie. Ah oui, une autre ça marchera parole, bien à la radio, cinq pense. Émissions à la suite. Voilà, le défi est lancé, on va en parler à la direction. Merci Géraldine. Merci Adèle. On se retrouve demain pour votre prochaine chronique et une autre émission évidemment. Oh là, on se... Merci à Claire Perriman-Holt qui a préparé cette émission avec David Pargamin, Pauline Vermeren, Marianne Chassor et Géraldine Mosna-Savoie. À la réalisation, Nicolas Berger. À la prise de son, Nicolas Delmas. On se retrouve demain pour la suite de cette série d'émissions autour de philosophie et cinéma. Demain, ce sera Une chambre en ville de Jacques Demy. D'ici là, si vous souhaitez réécouter cette émission ainsi que toutes celles de cette semaine sur philosophie et cinéma, c'est très simple. Vous vous rendez sur le site de France Culture, page des chemins de la philosophie. Vous pouvez réécouter les émissions en ligne ou bien les télécharger, les podcaster pour les écouter où vous voulez et quand vous voulez. Rendez-vous également sur les réseaux Twitter, Facebook et Instagram. Nous attendons vos remarques et commentaires. Rendez-vous demain à 10h donc. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.